dos amigas de Parvati, hecho el saludo reverencial a Shiva, esparcían sobre los pies de éste una gran cantidad de flores primaverales, mezcladas con follaje triturado que habían recogido con sus propias manos. Y Parvati, con la cabeza de cuyas orejas pendía el follaje, collares, dejando caer las tiernas flores de carnicara que embellecían su negra cabellera, también saludó respetuosamente a Shiva. Y éste la informaba de la verdad en estos términos: ten tú un esposo que no se entregue a otra. En verdad que las palabras del Señor nunca contienen una significación engañosa para las gentes. Deux amis de Parvati, une fois réalisé le salut révérentiel à Shiva, on éparpillait sur ses pieds une grande quantité de fleurs de printemps. Mais langer avec des feuillages triturés qu'elle savait recueillir de ses propres mains. Et Parvati fait la tête de, dont les oreilles soutenaient le feuillage des colliers, laissant tomber les tendres fleurs de carnicara qui embellissaient sa noire chevelure, a aussi salué avec tout respect Shiva. Et celui-là l'a formé de la vérité dans ces termes: tiens-toi un époux qui ne se donne pas à un autre. En vérité que les paroles du Seigneur ne contiennent jamais de signification trompeuse pour les gens.